Épilogue. Trois jours après les événements qu'on vient de retracer, la petite caravane arrivait en vue du territoire de Saint-Paul. Le major Hutchinson, qui avait escorté jusque-là la famille Brainerd pour la protéger contre de nouveaux malheurs, fit faire halte à sa troupe et se prépara à prendre congé de ses nouveaux amis. « Que Dieu vous garde, sœur, et vous rende plus heureux à l'avenir, » dit-il à Brainerd en lui serrant la main. « Je vous quitte pour rentrer dans le désert où m'appelle la chasse indienne. Vous pouvez compter qu'elle sera vengée plus d'une fois. »« Pas bon, venger, prier, meilleur, » interrompit Jim, qui pour la première fois peut-être se mêlait à la conversation sans avoir été interpellé. Le major le regarda pendant quelques minutes avec un sérieux incroyable. Puis il secoua la tête d'une façon dubitative et ajouta en style indien. « Jim avoir raison peut-être. 100% mauvais. » Et il tortilla pendant quelques instants sa longue moustache en réfléchissant. Ensuite, il dit avec explosion. « Ah, pourtant, on ne peut soutenir le contraire. Un assassin doit mourir. Autant il m'en tombera sous la main, autant j'en tuerai. » « Se défendre, bon, » répliqua Jim. « Attaquer, mauvais. » « Ces diables d'Indiens parlent peu, » observa le major en souriant. « Mais ils parlent bien. Adieu, mes amis. Que Dieu vous garde. » Le peloton de cavalerie était déjà à quelque distance lorsque l'officier entendit une voix qui l'appelait. C'était Alec, revenant sur ses pas pour lui parler. « Sœur, » dit le jeune homme, qui était très pâle, « voulez-vous accepter une mission ?»« Volontiers, mon jeune ami, de quoi s'agit-il ? » Alec tira de sa poche une petite croix sculptée qu'il avait façonnée en route. « Lorsque vous passerez près de l'endroit, vous savez, je vous prie de placer cette petite croix dans une incision que porte le sumac penché sur sa tombe. » « Oui, je vous le jure, » répondit le major en lui serrant énergiquement la main. Ensuite, reprit Alec d'une voix à peine intelligible, « vous vous agenouillerez, vous ferez une prière et vous lui direz de ma part au revoir. « Merci. Adieu, » ajouta-t-il en s'enfuyant brusquement pour cacher un flot de larmes qui venait de monter à ses paupières. Le major continua sa route machinalement. Au bout de quelques secondes, il porta vivement un doigt à son œil. « Diable d'homme, » murmura-t-il, « qu'avait-il besoin de venir me tracasser ainsi ? Voilà-t-il pas que j'ai le coin d'une paupière humide ? Allons, enfant, un temps de galop, » commanda-t-il à ses hommes. « Il faut un peu de mouvement pour me distraire, » reprit-il en monologue. « Comme ça, aussi, sa commission sera plutôt exécutée. » Bientôt, la solitude reprit son silencieux empire. Les Brainerd avaient disparu dans la direction du nord, les cavaliers dans celle du midi. Toute trace humaine s'était évanouie au milieu du désert. Une semaine après l'arrivée des pauvres fugitifs dans la ville de Saint-Paul, M. Brainerd reçut une lettre portant la souscription suivante. « À Mistress Brainerd, pour remettre à Miss Maria Allendale. » La bonne dame se hâta de la présenter à Maria, qui, à peine remise de tant de secousses, était encore au lit. « Oh, mon Dieu !» s'écria la jeune fille en regardant l'adresse. « Qu'y a-t-il encore ?» « Il me semble que voilà l'écriture d'Adolphe Alec. » Et, brisant le cachet d'une main tremblante, elle lut. « Chère Maria, quand ces lignes seront sous vos yeux, je serai loin de vous, loin de toute ma chère famille, à laquelle je dis un adieu suprême. Nous avions vécu pendant plusieurs années, amis et fiancés, dans la pensée souriante, qu'un jour nous serions mariés ensemble. Mais une catastrophe irréparable, qui a soudainement détruit tout mon bonheur et mes espérances, m'a ouvert les yeux et m'a appris que nous ne devons pas, que je ne dois pas vivre désormais de la vie de ce monde. Soyez libre, Maria. Je me suis aperçu que votre cœur éprouve une affection plus particulière pour notre cher cousin Will. Soyez libre et heureuse avec lui. Je vous dégage de toute promesse envers moi. De notre ancienne amitié, il restera entre nous une affection sincère et profonde, qui nous unira dans nos souvenirs, dans nos prières, dans nos espérances. Je ne vous demande plus qu'une seule chose, c'est d'adresser au ciel des vœux pour que ma voix, qui va prêcher dans le désert, trouve un écho dans l'âme des malheureux sauvages, pour que le Seigneur fertilise en eux la bonne parole que je leur porterai jusqu'au sein de la solitude, pour qu'après avoir muré la voix du ciel aux autres, je parvienne à la suivre moi-même jusqu'à la fin. Adieu, à revoir dans la patrie céleste. Adolphe, missionnaire indigne de Jésus-Christ. Quand elle eut fini cette lecture, Maria fondit en larmes et cacha sa tête dans le sein de Mistress Brainerd il lui dit d'une voix étouffée. « Lisez, ma bonne tante, je ne sais vraiment que vous dire. »« C'est un noble cœur, » murmura la vieille dame, après avoir parcouru la lettre, non sans s'essuyer plusieurs fois les yeux. Puis elle ajouta en regardant fixement la jeune fille. « Il a choisi la meilleure part, et je crois sa résolution aussi bonne pour d'autres que pour lui. » Maria devint rouge comme une fleur de grenade sous le regard de sa tante, et s'abrita sans répondre sous son oreiller. Quelques mois plus tard, un mariage était célébré dans la principale église de Saint-Paul. L'assistance était modeste, mélancolique, peu nombreuse. Mais une atmosphère de piété, d'affection douce et sincère s'exhalait de cette petite réunion. Les jeunes époux semblaient profondément heureux et aimants. C'était, on le devine, Maria Allendale et Will Brainerd qui unissaient leur sort. La cérémonie terminée, on quitta le séjour de Saint-Paul pour aller habiter une petite ferme que les nouveaux labeurs de John Brainerd avaient su conquérir dans une vallée fertile du Minnesota. Là, on pouvait vivre, et sans inquiétude, en paix. Car un poste militaire garantissait le territoire contre toute invasion indienne. Pendant bien des années, la clairière de la Sainte, c'était le nom donné au lieu où était la tombe de Maggie, fut visitée, chaque automne, par deux pèlerins silencieux et attristés. L'un d'eux portait la robe noire du missionnaire. Sur son visage jeune encore, mais pâli par les rudes épreuves de son saint ministère, se lisait une pensée profonde et douloureuse. L'autre, son inséparable compagnon, était un Indien de haute stature, dans la noire chevelure duquel l'âge commençait à semer de longs fils d'argent. Tous deux s'agenouillaient sur un tertre gazonné que seul aurait pu reconnaître, et ils priaient longtemps en silence, pendant que quelques larmes coulaient de leurs yeux desséchés par les orages et les soleils du désert. Puis, en se relevant, le plus jeune disait à l'autre « Oui, mon bon Jim, la prière est douce au cœur affligé. »« Priez, pensez, espérez, très bon, » répondait Jim. Ensuite, Alec, le jeune missionnaire vieilli avant l'âge, se détournait avec un soupir, et moissonneur infatigable, partait pour récolter des âmes. Un jour, l'Indien revint seul et portant une forme humaine, enveloppée d'un suaire noir. Il creusa une tombe à côté de celle de la Sainte et y déposa son précieux fardeau. Pendant plusieurs mois, on le vit errer dans les bois environnants. Quand l'hiver arriva, la neige n'était pas plus blanche que ses cheveux. Le printemps suivant, au grand réveil de la nature, on trouva des ossements blanchis étendus au pied du sumac, qui portait la petite croix défigurée, hélas, par bien des orages. C'étaient les restes du fidèle Jim, du bon Indien dévoué jusqu'à la mort.